directeur provincial de l'enseignement à Bururi, reconnaissent son manque d'ordinateurs à cette école technique. Cependant, Sirimé Boutoumi trouve qu'il serait mieux que ses élèves continuent les enseignements en attendant la solution à cette revendication. Pour lui, les parents d'élèves, la direction, la commune Rutovu et les natifs de cette commune ensemble peuvent répondre à ce problème, alors que l'administration communale et les responsables scolaires placent seulement le manque d'ordinateurs à l'origine de cette grève. D'autres sources sur place ajoutent le renvoi d'un élève jugé illégal par les élèves et la perception des frais scolaires dont la destination reste jusqu'ici inconnue. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles de province, 20 prostituées, 30 Rwandais sans papier ont été arrêtés ce mardi par la police de Mabayi dans la province de Cibitoke. Les responsables de la sécurité disent que cela rentre dans le travail de routine. Ils indiquent que ces filles prostituées vont être envoyées chez elles et l'administration va identifier les Rwandais afin de prendre d'autres mesures. Ce travail n'a pas été bien vu par la population qui accuse la police de deux poids, deux mesures parce qu'elle aurait libéré certaines personnes. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, ce soir, le président américain Donald Trump va s'adresser pour la première fois au Congrès, une prise de contact très attendue avec la branche législative du gouvernement. Au Burkina Faso, deux commissariats ont été attaqués par des djihadistes dans la nuit de ce lundi dans le nord du pays. Et au Soudan du Sud, 30 000 personnes sont menacées de famine. Christella Nizigama. Au Sud-Soudan, le bureau du HCL à Khartoum signale qu'environ 131 000 Sud-Soudanais sont arrivés en 2016 au Soudan voisin, pour la plupart épuisés, mal nourris et malades après plusieurs jours de marche. Selon les Nations Unies, quelques 5,5 millions de personnes devraient être confrontées à un manque de nourriture d'ici au mois de juillet dans la région de l'Unité. Le site de la BBC Afrique écrit que l'agence onusienne précise que plus de 80% des déplacés, pour la plupart des femmes et des enfants, ont quitté leur localité en raison des exactions commises par les groupes armés qui pillent les entrepôts alimentaires et assassinent les travailleurs humanitaires. Au Burkina Faso, deux commissariats situés dans la province de Soum, près de la frontière malienne, ont été frappés par des attaques quasi simultanées de djihadistes dans la nuit de ce lundi à mardi, selon les sources sécuritaires. Le bilan est encore inconnu et les autorités se demandent s'il pourrait s'agir d'une diversion. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump s'adresse ce soir pour la première fois au Congrès. C'est une prise de contact avec la branche législative du gouvernement dont il va avoir besoin s'il veut accomplir son programme. C'est donc un moment important pour lui. Le site de la Radio France Internationale écrit que ce sera une occasion d'améliorer son image et d'insister lourdement sur sa victoire inattendue. La grande inquiétude, Trump refuse en effet de couper dans les deux programmes sociaux les plus coûteux, notamment la retraite, mais aussi la Medicare et Medicaid, les équivalents de la sécurité sociale en France. À la source, reportage. Il s'observe des chenilles qui ravagent l'eucalyptus dans la commune Bugendana de la province de Gitega. Les cultivateurs se lamentent que si rien n'est fait, ces arbres pourront disparaître. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage appelle les habitants à se fier aux moyens simples en détruisant ces chenilles par la main dès leur première apparition. Sinon, les produits de pulvérisation ne sont pas disponibles en suffisance pour le moment. Il précise par ailleurs que ce ne sont pas que les eucalyptus qui sont menacés. Reportage de Léon Spitalio. Ces chenilles qui font parler d'elles dans Bugendana viennent de passer au moins une année selon des habitants rencontrés. Les arbres attaqués ne grandissent plus, il y en a même qui s'assèchent et ça fait peur aux cultivateurs. Ce sont des chenilles blanches, très minces. Tout arbre est touché, même s'il est grand, il se rétrécit. Ça nous fait peur, ça fait mal. On voit des trucs blancs sur nos eucalyptus qui versent en liquide par terre. L'arbre ne grandit plus.